n'a posé le pied que sur un objet stellaire extraterrestre, notre satellite, notre belle et pâle Lune, les missions Apollo en ont rapporté mains et mains fragments qui sont aujourd'hui encore étudiés, exploités grain par grain. Parce que la Lune a beau être notre satellite, l'objet le plus proche de nous, le mieux connu, le plus scruté, le plus analysé, eh bien sa formation n'est pas encore tout à fait élucidée. S'il est admis qu'elle résulte vraisemblablement d'un impact avec un planétoïde, aucun modèle indiscutable n'a encore pu être établi. Et pour ce faire, il faut remonter à cette planète qui nous a percuté au tout début de l'histoire de la Terre, Theia. Theia Terre, le choc frontal, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour nous livrer les secrets non seulement de la formation de la Lune, mais aussi de celle de la Terre et du devenir de cet objet, Theia, qui nous a percuté de plein fouet il y a fort longtemps, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Frédéric Moynier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de cosmochimie à l'Institut de physique du globe à Paris, titulaire de la chaire de cosmochimie de Sorbonne Paris Cité. Et bonjour Paolo Sossi. Bonjour. Vous êtes chercheur dans l'équipe de cosmochimie astrophysique et géophysique expérimentale de l'Institut de physique du globe de Paris également. Vous pouvez suivre l'émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter @laméthodefc. Alors peut-être que pour commencer, il y a eu plusieurs théories au fil de l'histoire du temps, de l'histoire de l'astrophysique sur la formation de la Lune. Aujourd'hui, celle de l'impact précoce, comme on l'appelle, fait à peu près l'unanimité, Frédéric Moynier. Oui, donc cette hypothèse de l'impact géant fait, on va dire, l'unanimité scientifique à l'heure actuelle. Ça date des années 2000, cette unanimité. Dans le passé, il y a eu d'autres hypothèses qui ont été suggérées, qui ont été testées par rapport à ce qu'on connaissait de la Lune à l'époque, dans les années 60-70, et puis avec le retour des échantillons lunaires. Au début de la fin des années 60 et début des années 70, on a pu vraiment les tester. Et les hypothèses alternatives, les plus raisonnables, seraient celles d'une capture. Donc on aurait un astéroïde qui serait passé près de la Terre et aurait été capturé par la gravité terrestre lors de son passage. Donc ça, il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec ça. On va voir. On va revenir dessus si ça vous intéresse. Voilà, si vous voulez. On en reparlera. Mais c'est... Une autre hypothèse, ça serait ce qu'on appelle la co-accrétion, c'est-à-dire que les deux corps se seraient formés en même temps, du même matériel, et donc auraient été là depuis le début, depuis la formation de la Terre, encore une fois, des problèmes viennent avec ça. Ça, c'est un peu l'hypothèse historique, la petite sœur de la Terre. Quoi. C'est ça. Mmh. C'est l'hypothèse la plus ancienne, sans tests physiques ni chimiques qui vont avec. Une autre hypothèse serait... l'hypothèse qu'on aurait arraché un bout de la Terre pour former la Lune. Donc la Lune serait un bout de Terre. Encore une fois, ça avait été proposé par le fils de Charles Darwin, d'ailleurs, cette hypothèse-là. Je dirais, je ne sais pas ce qu'en pense Paolo Sossi, que c'est peut-être l'alternative la plus plausible à l'heure actuelle, en tout cas celle qui est... On va dire, s'il y a 1% des scientifiques qui ne croient pas à l'impact géant, ça irait peut-être dans ce sens-là. Voilà. Donc, Votre opinion, justement, Paolo Sossi, sur ces hypothèses alternatives à l'impacteur géant. Oui, effectivement, l'hypothèse de l'impact géant a gagné beaucoup de terres récemment, mais c'était pas toujours le cas, parce que justement, on n'avait pas des échantillons lunaires, mais avec le retour des échantillons lunaires dans les années 70... Avec l'émission Apollo, oui. Avec l'émission Apollo, exactement. On a pu distinguer entre cette hypothèse et celle qui est le plus raisonnable et l'impact géant. Mais il y a toujours, n'empêche qu'il reste toujours des problèmes avec cette hypothèse encore. Donc on n'a pas encore une vision parfaite de comment ça se formait. Il n'y a pas encore de preuves expérimentales, observationnelles, scientifiques indiscutables, mais bon, on va voir qu'il y a une théorie, effectivement, qui est celle de Theia, donc, pour parler de cet impacteur géant qui se détache des autres. Peut-être qu'on peut rappeler aussi que cette théorie, elle est née par un certain nombre d'observations avant le retour des échantillons d'Apollo, notamment par l'observation des autres planètes telluriques, Frédéric Moynier. Il faut dire que la Lune est un peu unique dans son genre dans le système solaire vis-à-vis des planètes telluriques, hein, c'est-à-dire des planètes rocheuses que sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Déjà, dans une première chose, c'est que la Terre est la seule planète tellurique avec une lune, avec un satellite de cette taille-là. Donc Mercure n'a pas de satellite, Vénus n'a pas de satellite. Mars a deux tout petits satellites, Phobos et Deimos. Donc c'est quelque chose d'assez unique. Donc, qui sont minuscules hein, par rapport à la Lune. Qui sont vraiment minuscules. Donc ceci appelle à peut-être un mécanisme différent pour la formation de la Lune. Donc ça, bon, ça, c'est une observation qu'on a faite depuis très longtemps, évidemment. L'autre chose qu'on savait avant le retour des échantillons lunaires, c'était la dynamique de rotation de la Lune et de la Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moment angulaire du système Terre-Lune, mm-hmm. qui est aussi très particulier, et qui c'est un des arguments physiques, et qui est en fait un des arguments qui ont fait à la fois pencher la balance en faveur de l'impact géant, avec des mesures chimiques qu'on aura fait sur les échantillons d'Apollo dans les années 70, mm-hmm. Pas que d'Apollo, d'ailleurs, vous avez dit Apollo, il y a aussi eu plusieurs missions russes, évidemment. Un robot russe qui avait ramené quelques grammes, ou centaines de grammes d'échantillons lunaires, mm-hmm. Pencher donc la balance en faveur de l'impact géant. Je dirais donc les deux preuves là-dessus, mm-hmm. qu'on va étayer en détail après, sont donc le moment angulaire du système Terre-Lune et la composition de la Lune et de la Terre. Alors justement, la première surprise, et ça a été, vous allez me le dire, je parle évidemment sous votre contrôle à l'un à l'autre, Frédéric Moynier et Paolo Sossi, une surprise, cette mission Apollo, enfin ces missions Apollo plutôt, le retour de la matière lunaire, ça a été, on ne s'attendait pas à avoir une composition aussi similaire, Paolo Sossi. Non, c'est ça, parce que on sait en fait les roches qu'on ramène de la Lune surtout sont des basaltes. Donc on a exactement le même type de roches qui se forment sur Terre. Ce sont des roches volcaniques. Des roches volcaniques. Des basaltes sont des roches noires composées par des cristaux. Donc déjà c'était une première ordre, il y a une similarité. Mais avec le temps, on a pu analyser plus précisément la composition isotopique chimique, et on trouve pour beaucoup d'éléments, il y a une similarité presque parfaite entre les deux roches. Alors, Frédéric Moynier, il faut peut-être rappeler en un mot ce que c'est que la similarité isotopique, pour bien comprendre la surprise qu'ont été justement la proximité de ces matériaux lunaires vis-à-vis de la croûte terrestre. Donc là, un isotope, certains éléments en plus sont formés de plusieurs, on va dire, isotopes qui diffèrent dans le nombre de neutrons dans le noyau. Donc l'oxygène, qui est l'exemple le plus typique qu'on prend quand on parle de la Lune, a trois isotopes, l'oxygène 16, l'oxygène 17, l'oxygène 18, qui ont chacun une différence de 1 ou 2 neutrons. Et sur Terre, tout le matériel va être composé du même rapport isotopique. On a quelque chose de très homogène. On parle du rapport isotopique aussi. On a parlé par exemple pour l'eau sur Rosetta, c'est-à-dire que l'eau de Terre, le rapport est hydrogène, déthérium. Voilà. D sur H, oxygène 17 sur 16 ou 18 sur 16. Donc on peut faire ça pour un certain nombre d'éléments. Et donc si on regarde dans le système solaire, quand on regarde Mars, dans lequel on a des météorites, donc on a des échantillons, on regarde des échantillons qui viennent de la ceinture d'astéroïdes, qui sont des météorites, on a une variabilité énorme de ces rapports. Et toutes choses gardées, relativement grande de ces rapports isotopiques, alors que la Lune et la Terre ont le même rapport, la précision qu'on améliore tous les ans ou tous les cinq. Disons les précisions technologiques. Oui. Technologiques, on trouve toujours les mêmes rapports. Donc on a entre un basalte lunaire et un basalte terrestre, on a la même composition que si on prenait deux basaltes terrestres. Et donc ça, c'est déjà quelque chose qui est difficile à expliquer. Donc ça, c'est vraiment là, on va dire, en parlant de cette homogénéité isotopique, le point très important à expliquer si on veut expliquer la formation de la Lune. Après, on peut parler, il y a quand même des différences, parce que je pensais que quand on a parlé de la surprise, quand on a ramené les échantillons lunaires, ces rapports isotopiques d'oxygène sont venus plus tard. La surprise, c'est qu'en fait, il y avait des différences. Parce que si c'était, comme vous dites, la petite sœur de la Terre, on s'attendait à voir la même chose. Donc on trouve un basalte sur la Lune, un basalte sur la Terre, on n'est pas vraiment étonné. Ils se ressemblent. Si j'aurais pu vous en mener aujourd'hui, on n'aurait pas fait. À l'œil, vous ne feriez pas la différence. Bon, ça, je n'en doute pas. Mais j'aurais été content de voir un morceau de basalte lunaire néanmoins. La prochaine fois. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans un basalte terrestre, il y a de l'eau. qui est sous, il y a de l'hydrogène, on va dire, il y a des éléments volatiles qui sont complètement absents de, en très faible quantité dans les roches lunaires. Et donc ça, déjà, c'est une très grosse différence. On va y venir parce que c'est précisément l'une des clés précisément de la différence et de ce scénario de formation. Peut-être que vous pouvez nous en dire un mot d'ores et déjà. Avant cela, Paolo Sossi, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qu'on dit volatiles. Alors, il va falloir réexpliquer un peu volatile parce que, par exemple, quand on parle de zinc, pour moi, le zinc, c'est pas très volatile, c'est un métal, mais des éléments qui sont effectivement des éléments qu'on trouve quasiment pas ou très très peu sur la Lune par rapport à la Terre. Oui, c'est vrai. Effectivement, on a le processus de créer du vapeur, par exemple, quand on chauffe de l'eau. On a du vapeur de l'eau. Mais ça se passe à 100 degrés. Par contre, les processus sur l'anse d'un impact géant se passent à beaucoup plus haute température, et tels que 1000 degrés encore plus. Donc à cette température-là, on peut attendre qu'on a de la vaporisation des composants des roches. Et avec ça, avec ce processus, on peut appauvrir la composition de ce qui reste en ces éléments volatiles. C'est ça, c'est-à-dire qu'on va voir, et puis ça va être important parce que c'est l'un de vos travaux, on va voir qu'effectivement à très haute température et à très haute pression, eh bien, il y a certains éléments qui peuvent être sublimés, qui peuvent disparaître donc des composants de la roche, Frédéric Moynier. C'est-à-dire que parmi vous parlez de zinc, on peut parler de potassium, de fer, de magnésium, donc ces éléments de gallium, ces éléments qu'on imagine être donc sous forme solide, sur Terre ils sont précisément sous forme solide. Quand on va les chauffer comme disait Paolo Sossi, à plusieurs milliers de degrés, on va avoir une volatilité, c'est-à-dire une façon de les mettre en phase gazeuse qui va être variable, c'est-à-dire que le gallium va être plus volatile que le fer. Le fer va être plus volatile que le calcium, qui lui est ce qu'on appelle réfractaire. Donc on a une gamme, et évidemment, si on retourne dans l'autre sens, on va finir avec l'hydrogène, ou puis des gaz, ce qu'on appelle les gaz rares, etc. Donc on a toute une échelle de volatilité, et parmi ces éléments qu'on retrouve dans les roches, le zinc, le gallium, le potassium, le sodium, sont ce qu'on appelle des métaux volatiles. Évidemment, c'est moins volatile que de l'eau. Bien sûr. Mais donc, c'est intéressant parce que c'est à partir de ces différences-là, de ces différences de composition chimique de la roche, que l'on s'est dit, il y a eu à un moment donné un événement à très haute température, à très haute pression, et c'est à partir de ces différences-là que naît finalement la théorie Theia. C'est ça. C'était dans les années 70, en 1974, qui a été proposé pour la première fois cette idée de l'impact géant. Le nom de Theia est venu beaucoup plus tard. Mais l'idée Theia qui dans la mythologie est la mère de Sélène qui est la lune. L'idée est venue dans une conférence donc sur la lune en 74 par deux groupes différents qui sont venus aux mêmes conclusions en partant du fait qu'on a donc expliqué le fait qu'on a la Lune, comment la Lune tourne autour de la Terre, donc il a fallu avoir quelque chose de dynamique à un moment donné, donc de l'impact, et la différence d'eau en particulier, mais aussi de ces éléments qu'on appelle métaux volatiles dans les roches lunaires par rapport aux roches terrestres. On imagine que si on a un impact à plusieurs, qui va entraîner des chauffées peut-être à 5000 degrés même, on va avoir une volatilisation qui va être introduite par l'énergie de l'impact, et donc une évaporation sur la Lune. On a compris beaucoup plus tard, que c'était beaucoup plus compliqué que cela, mais c'était l'idée de départ, avant de mettre vraiment de la physique sur les modèles qui sont venus aussi beaucoup plus tard dans les années 2000. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons de Theia, de ce nom qui a été donné à l'impacteur qui serait, puisqu'il faut toujours parler au conditionnel, pour le moment, même s'il y a un faisceau de présomption qui serait à l'origine de la formation de la Lune. Peut-être qu'on peut repréciser, Paolo Sossi, en quelques mots, à quelle époque on est, dans quel état est le système solaire, parce que le système solaire n'est pas du tout comme on le connaît aujourd'hui, 4 milliards et demi d'années après, puisque c'est 4 milliards et demi d'années à peu près la date qui a été retenue pour sa formation. Oui, c'est 4,56 milliards d'années. Mais la formation de la Lune, c'est pas exactement précisé. Mais on pense que c'est à peu près entre 50 et 100 millions d'années après la formation du système solaire. Donc en fait, ces processus des impacts géants, ça peut se passer seulement quand il y a assez d'agglomération des particules dans le système solaire qui prend un peu de temps, effectivement. Donc ça, c'est vraiment l'étape finale de la formation des planètes. Et donc on attend un peu de décalage entre la formation du Soleil, du système solaire, et la formation de la Lune. Il y a une des questions qui se pose, on va voir que ça va être important, c'est dans quel état de formation est ou serait la Terre au moment de cet impact. Il y a certaines théories qui disent que la Terre est encore ductile, qu'elle est encore finalement très peu condensée, et d'autres qui disent qu'au contraire, elle est quasiment formée à 90-95%. Oui, la Lune peut aussi, l'impact qui a formé la Lune peut aussi contribuer de la masse à la Terre. Donc, la Terre peut-être était, quand on parle de l'impact géant, on pense que c'est une planète qui est à peu près la taille de Mars. Donc ça, c'est-à-dire 15% la masse de la Terre. Donc on peut penser que c'était au moins 80% formée la Terre. Mais il y a un peu d'addition qui est lors de cet impact. Et donc la Terre, probablement, c'était une phase liquide. Et puis certainement un peu moins volumineuse, ou en tout cas un peu moins dense que ce qu'elle n'est évidemment aujourd'hui. Un mot sur donc, ce planétoïde, ce planétésimal, je ne sais pas, Frédéric Moynier, comment il faut l'appeler, Théia. Un planétésimal. Planétésimal. On va préciser ça au cours de cette heure, mais disons que pour le moment, il y a une forme de consensus pour dire qu'il était à peu près de la taille de Mars, vraisemblablement un peu moins, mais autour de 15% de la masse de la Terre. Qu'est-ce qui permet de dire ça? Alors ça, c'est venu avec les premiers modèles numériques de formation de la Lune. Donc je vous avais dit, dans les années 70, ça a été proposé, mais ça vraiment, on n'avait pas les capacités, je pense, numériques à l'époque pour faire des modèles très complexes. Et dans les années 2000, les premiers modèles qui ont essayé d'expliquer, c'est-à-dire qu'on regarde de nombreux impacts et leurs solutions, et essayer d'arriver finalement à ce qu'on obtient avec une Terre qui a une certaine masse, et la Lune qui a à peu près 1% de la masse de la Terre. Et la solution des centaines de modèles qui ont dû être testés, c'était d'avoir un impact avec un planétésimal, donc qu'on a nommé Théia plus tard, qui faisait à peu près la taille de Mars. C'était les seules solutions qui faisaient qu'on arrivait à avoir un système stable dans lequel on a une Lune qui a cette masse-là, la Terre qui a la masse donnée, et puis la Lune et la Terre à la bonne distance et qui tournent de la bonne façon. Alors, une question de béotien certainement, mais ce planétésimal, il vient d'où? Il n'est pas sorti de nulle part. C'est une très bonne question. La solution c'est-à-dire qu'il faut se projeter, donc comme disait Paolo Sossi, on a dit 50 millions, 100 millions, peut-être un peu plus, hein, peut-être 200 millions, on va dire jusqu'à 200 millions d'années après la formation du système solaire. Et donc à ce moment-là, il y avait encore beaucoup de matériel qui n'était pas encore accrété pour faire les planètes. On pensait qu'il y avait encore donc des gros astéroïdes, enfin alors des planétésimaux, qui se baladaient dans le système solaire interne. Donc ils proviennent du système solaire interne, ils proviennent probablement de l'extérieur du système solaire, parce que de l'intérieur, ils auraient plutôt tendance à se retrouver dans le Soleil. Mais donc il provient du système solaire. C'est là que la réponse est du système solaire interne. On ne sait pas d'où il provient, et c'est un des problèmes, on va dire, ou une des questions, c'est-à-dire si on a cette composition chimique ou isotopique, comme on a dit, identique entre la Lune et la Terre. Si cet astéroïde, encore ce planétésimal, vous voyez, appelons-la par son nom. Théia s'est formée près de la Terre, ou si c'est là où vous voulez en venir, que ça vient près de la Terre, on peut peut-être s'attendre à ce que c'est une composition chimique assez similaire. En plus, c'est difficile à contraindre, parce que justement pour ce fait qu'ils sont si proches en composition, donc on utilise normalement ces isotopes pour tracer l'origine de la planétésimale, mais vu que c'est la même chose, on ne peut pas exactement dire d'où vient. C'est ça. En cours, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas très bien de ça. Je vais renvoyer les auditeurs. On avait consacré une émission complète précisément au tout début, à ces premiers 100, 200, 250 millions d'années du système solaire. Et vous allez voir, il y a plein d'hypothèses assez intéressantes sur le mouvement, notamment des géantes gazeuses, et peut-être que le déplacement de Jupiter aurait créé des mouvements. Bref, on va vous mettre le lien vers l'émission, parce qu'on ne va pas la refaire aujourd'hui. Ce qui est intéressant, ce que vous venez de soulever, Paolo Sossi, c'est qu'effectivement, on a du mal à savoir d'où vient ce planétésimal, précisément parce que la Lune et la Terre ont la même composition isotopique. Et vous avez tous les deux mené une étude précisément sur ce sujet, qui a été publiée dans Science Advances en février 2017. Une étude qui vous a amené à conclure plus avant que la Lune était composée, finalement encore plus, exactement plus que ce qu'on pensait, des mêmes éléments que le manteau terrestre. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Racontez-nous le centre de votre étude. Du coup, l'étude qu'on a fait, c'est d'analyser la composition isotopique d'un certain élément qui est le fer. Et le fer, c'était peut-être un des éléments qui a été différent entre la Lune et la Terre. N'empêche que la Lune n'a pas un gros noyau, donc en fait, la Lune en total a beaucoup moins de fer que la Terre, mais le manteau de la Lune a peut-être un peu plus de fer que le manteau de la Terre. Et donc, pour répondre mieux à cette question, on voulait savoir exactement la composition de fer entre les deux corps. Mm-hmm. Et on a trouvé, au contraire aux dernières études, qu'ils ont trouvé une différence dans la composition isotopique du fer, qui est un des éléments de réfractaires dans lesquels Frédéric Monnier a parlé. Et ça nous semblait un peu bizarre que ce soit juste le fer qui a une composition différente par rapport aux autres éléments réfractaires. Il faut préciser, je vous interromps une seconde, Paolo, oui. Il faut préciser qu'effectivement, s'il y a un des éléments sur la Lune dont on trouve une composition isotopique légèrement différente que la Terre, c'est le fer. C'est l'un des rares éléments, je parle sous votre contrôle, où le rapport isotopique... C'était. Donc on a demandé à la NASA pour analyser certaines roches assez spéciaux qui sont plutôt représentatives du manteau des étapes initiales de la formation de la Lune, du manteau. Mm-hmm. Et on a trouvé en revanche que ces roches-là ont exactement la même composition de la Terre, des roches de la Terre. Donc on peut résoudre le problème d'avoir une différence de composition isotopique différente entre les deux corps, on trouve qu'en fait c'est pareil. En fait c'est quasiment la même chose, Frédéric Moignet, ouais. Sur cette publication. Non, mais bah, Paolo a que, bien... Par quelle méthode vous êtes arrivé à montrer finalement que la composition isotopique du manteau de la Terre était finalement similaire à la composition isotopique du fer que l'on peut trouver dans les roches lunaires. Donc le fer donc, est particulièrement intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un élément majeur aussi qui est très abondant, donc comme l'oxygène. Le fer, le magnésium, c'est les éléments le silicium qui vont former une planète. Et il y avait depuis 2004, depuis les années 2000, des études qui montraient que la Lune était enrichie en isotopes lourds, on va dire, du fer par rapport à la Terre. Et ce qui était assez étonnant d'ailleurs, qui était difficile à expliquer. Et donc l'étude qu'on a menée, nous, c'est pas tant au niveau là instrumental, parce qu'on utilisait les méthodes qu'on avait déjà en place, mais on s'est intéressé à d'autres échantillons de la Lune. Parce qu'une façon aussi de modifier légèrement quand même ces rapports isotopiques, c'est lors de processus volcaniques. C'est-à-dire que Paolo aussi a parlé tout à l'heure de basalte lunaire, qui sont une des roches, on va dire, principales qu'on trouve sur la Lune. Ces basaltes, c'est formé par la fusion de matériel sous-jacent, comme sur Terre, qui vient du manteau. Et donc, lors de cette fusion, lors de la remontée du magma, il y a des réactions chimiques qui se produisent, et donc on peut modifier quand même un petit peu les compositions chimiques et les compositions isotopiques. Et donc notre idée avait été d'aller voir d'autres roches lunaires qui sont assez rares, qui sont des roches qui viennent de profondeur. On ne sait pas exactement pourquoi elles sont à la surface de la Lune, mais qu'elles viennent de plus profond, qui sont probablement des roches qui sont plus représentatives du manteau lunaire. Et donc on s'est intéressé à ces roches-là, on les a demandées, donc, comme disait Paolo, à la NASA, on en a eu un petit tout petit bout. Et on a pu mesurer dessus les rapports isotopiques du fer et montrer qu'en fait, non, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de problème avec le fer. On a une preuve supplémentaire de la similarité entre la Terre et la Lune pour un autre élément, on va dire encore une fois, majeur, après l'oxygène, le fer et le magnésium. Alors, juste une question qui va se poser, c'est que du coup, s'il y a eu impact d'un planétésimal étranger et que la Lune et la Terre ont, comme vous le notez dans cette étude, finalement encore plus de similarités que ce qui était étudié jusqu'à présent, c'est qu'est devenu cet impacteur et où en sont les traces. Mais avant cela, je vais faire une petite parenthèse pour vous dire que Jean-Philippe Usan, que vous connaissez certainement, nous envoie un lien vers un projet qui s'appelle sanctuaryproject.eu, qui est une mission participative autour de la Lune. Allez y jeter un coup d'œil sur le fil Twitter de l'émission. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Mais donc, voilà la question suivante. Puisque si la Lune et la Terre ont exactement, ou peu ou prou, les mêmes compositions isotopiques, ce Theia, cet impacteur, où est-il passé? Qu'est-il devenu, Paolo Sossi? C'est une vaste question. Ouais, c'est une question difficile. On a encore 35 minutes pour essayer de trouver des solutions. Peut-être ça ne suffirait pas. Mais... Non, pour avoir cette homogénéité, la théorie qui a été proposé récemment, c'est d'avoir une homogénéisation entre la Lune et le matériel qui a formé la Lune et le matériel qui a ensuite contribué à la Terre. Mm-hmm. Donc, cette homogénéisation, ça permet d'avoir la même composition pour ces éléments réfractaires. N'empêche qu'il y a aussi, lors de ces impacts géants, une phase gazeuse qui peut être une source de fractionnement, une source de différence entre le matériel qui a condensé, qui a cristallisé, et le matériel qui reste dans la phase gazeuse. Donc on peut imaginer qu'il y a une similarité entre le matériel condensé, mais pas forcément dans le matériel gazeux. Mmh. Frédéric Boignier ? Oui, donc une des difficultés avec ces modèles, c'est que les premiers modèles des années 2000, une des conséquences des simulations numériques, on arrivait à expliquer la Lune, la Terre, leur taille, mais ces modèles donnaient aussi que la majorité du matériel qu'on va retrouver dans la Lune actuelle proviennent Théia. Mmh. Donc la Lune devrait avoir la composition de Théia. De l'impacteur. Et sans homogénéisation. On peut homogénéiser des gaz, donc des éléments les plus volatiles. Mm-hmm. Dont on parlait tout à l'heure. Et pour des éléments plus réfractaires, donc on a parlé un peu du fer, mais il y a des éléments encore plus réfractaires. Les exemples, c'est le calcium, le titane, etc. On ne peut pas les homogénéiser. Et si on regarde aussi ces éléments, que sont calcium, titane, on s'aperçoit qu'il y a aussi une variation dans tout le système solaire. On n'a pas deux corps qui ont la même composition isotopique. Donc là, le problème était pourquoi, encore une fois, la Lune a la même composition que la Terre. Mmh. Et donc, d'où ces nouveaux modèles, qui ont quelques années, qui ont été d'essayer d'expliquer maintenant, d'avoir un mécanisme en plus pour homogénéiser les deux ce qui va devenir la Terre et ce qui va devenir la Lune. C'est difficile parce que si on va parler de Sinestra tout à l'heure, la Lune, la Terre, ça revient un peu à être la même chose au final. Et on va voir que notamment l'une des solutions ou l'un des modèles proposés finalement sur la forme et sur la nature de cet impacteur, c'est peut-être, eh bien, curieusement, qu'il soit un peu plus petit que prévu. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Yeah. Theia de 100 Waters, puisque c'est bien ce dont nous parlons tout au long de cette heure sur France Culture, de Theia, c'est le nom qui a été donné à cet impacteur de la taille de Mars, peu ou prou, qui serait rentré dans notre belle Terre au tout début de sa formation et qui aurait fini par créer la Lune à la suite de cet impact géant. Nous en parlons avec Frédéric Moynier, qui est professeur de cosmochimie à l'Institut de physique du globe à Paris, titulaire de la chaire de cosmochimie de Sorbonne Paris City, et Paolo Sossi, qui est chercheur dans l'équipe de cosmochimie, astrophysique et géophysique expérimentale à l'Institut de physique du globe de Paris. Et une étude récente publiée en janvier dernier par une équipe du CNRS a proposé justement, comme je le disais juste avant cette coupure musicale, un nouveau modèle, un modèle dans lequel eh bien Theia est singulièrement plus petite que dans les modèles admis jusqu'à présent. Bonjour Céline Nozène. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé vous intéresser précisément à ces nouvelles simulations effectuées, là encore, à l'Institut de physique du globe de Paris. Oui, parce qu'on pensait que Theia était aussi grosse que la planète Mars, mais une étude récente entre l'IPGP et l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne vient de montrer que l'impacteur Theia ne pouvait pas avoir la taille de Mars. Même, elle devrait être plus petite, moins de 15% de la masse de la Terre. Alors pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont pris le problème autrement, c'est-à-dire non pas basé sur la Lune comme on le faisait avant, mais sur des observables terrestres. Pour comprendre la démarche, j'ai rencontré James Badreau de l'IPGP, qui a fait des millions de simulations pour retrouver le bon profil de Theia. Ce que nous avons essayé de faire dans cette étude, c'est apporter des contraintes géochimiques, donc basées sur les observations terrestres. Et la démarche, si vous voulez, philosophique là-dedans, c'est que quand vous faites les autres types de modèles, vous devez faire un certain nombre d'hypothèses qui sont basées sur quelle était la composition de l'impacteur, quel était le type, la géométrie de l'impact, quelle était la taille de l'impact, quelle est la composition présupposée de la Lune, même si nous avons quelques roches, c'est pas un corps céleste qui est échantillonné comme la Terre. Nous avons voulu que ce modèle soit en cohérence uniquement avec les observables terrestres, parce que ce sont les observables dont on est sûr, sur lesquels on a une certitude absolue, parce que c'est le corps céleste qui est le plus échantillonné. On connaît la composition du manteau de la Terre avec une très bonne précision. La Lune, on la connaît un peu, mais on la connaît moins bien, et quant à l'impacteur, on n'en sait rien. Donc ce que nous avons dit, c'est que nous allons voir, on va faire des modèles d'impact, d'équilibrage chimique de l'impacteur et de la Terre, et nous allons voir comment évolue la composition, non pas de la Lune, mais de la Terre avec cet impact. Et nous allons prendre toute une série de modèles qui peuvent fabriquer des lunes, et nous allons voir lesquels, en fait, fabriquent la Terre. Parce que si le modèle, à la fin, me fabrique une lune qui me plaît, mais qui me fabrique une Terre qui ne colle pas avec la Terre que je vois aujourd'hui, ce modèle doit être éliminé. Et donc en introduisant ce type de contraintes sur les compositions, alors le nickel, le cobalt, le chrome, le vanadium, les isotopes du tungstène, etc., dans cette étude-là, mais uniquement basée sur les observables terrestres, on a pu voir que l'impact peut être petit, il peut être aussi gros que Mars, mais il ne peut pas être beaucoup plus gros que Mars, comme ça a été récemment proposé. Les scénarios d'avant proposaient une masse de l'impacteur d'environ 15% de celle de la Terre. Or, vos données postuleraient en faveur d'une masse bien inférieure. En tout cas, ce qu'elles montrent clairement, c'est que ça ne peut pas être supérieur à 15%. 15%, c'est vraiment la hard limit, la limite dure au-dessus de laquelle on ne peut plus retrouver la composition du manteau terrestre. Il serait trop enrichi en nickel et en cobalt si l'impacteur qui a formé la Lune était plus gros que 15%, c'est-à-dire grosso modo de la taille de Mars. Vous récoltez des échantillons un peu représentatifs ? Non, en fait, on fait tout dans le laboratoire. Oui. On fabrique les échantillons représentatifs, parce que des échantillons représentatifs de cette époque, il n'y en a plus. Nous allons entrer dans le laboratoire. L'appareil le plus intéressant, le cheval de trait de ces expériences, c'est ce système-là, qui est un système de chauffage laser. Alors, je vais vous décrire ce qu'on voit ici. Ça, c'est une cellule à enclume en diamant. C'est l'outil dont on se sert pour comprimer des matériaux terrestres, lunaires, enfin. On peut les comprimer à des pressions qui peuvent monter jusqu'à plusieurs millions d'atmosphères. Donc on peut facilement reproduire les conditions de pression du manteau de la Terre, voire du noyau de la Terre. Et ensuite, on peut, à travers les diamants, orienter deux lasers infrarouges de très haute puissance qui vont être absorbés par l'échantillon, mais pas par les diamants, parce que les diamants sont transparents. Mais l'échantillon va les absorber, et comme c'est de l'infrarouge, c'est converti en chaleur. Et ainsi, ces matériaux qui ont été préalablement comprimés dans cette cellule, vont être chauffés. Et vous pouvez monter à 4000, 5000. On a récemment fait 6100 degrés, donc c'était plus chaud que la photosphère solaire. Ça permet de scanner un peu comme ça les conditions thermodynamiques qu'il y a dans les intérieurs planétaires. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé de regarder. Donc cet impacteur lunaire, c'est une petite planète qui a un manteau et un noyau. La Terre, avant cet impact, elle avait aussi son noyau, son manteau. Et donc, ce qui va se passer quand cet impact va avoir lieu, c'est que le noyau de l'impacteur va interagir avec le manteau de la Terre et il va avoir un équilibrage chimique. Et tout ça, ça va s'échanger. C'est-à-dire que tout ce qui est le manteau aujourd'hui, il n'était pas solide, il était fondu. Donc cet impact se produit et donc vous avez ce mélange qui se produit entre le métal fondu du noyau de l'impacteur et le manteau fondu de la Terre et aussi mélangé avec le manteau de l'impacteur. Et il faut comprendre la chimie qui se passe dans ce mélange. Donc il faut reproduire ces conditions. Et c'est grâce à cet outil qu'on produit ces conditions. Donc on se met aux conditions dans cet océan de magma grâce à des outils de microscopie électronique. On va aller regarder au cœur de cette zone qui a été équilibrée, et c'est des tout petits échantillons qui font une dizaine de microns, quelles sont les compositions des différentes phases. Et grâce à ça, on va pouvoir faire des modèles thermodynamiques de, par exemple, comment se comportent le nickel, le cobalt, le chrome, le vanadium, tous ces métaux qui existent à l'état de trace dans le manteau. Et c'est ce qui explique comment on a formé le noyau. Alors, vous parliez de plusieurs millions de simulations pour aboutir à ces résultats. Comment s'est fait la poursuite du travail à partir de ces mesures? Ça, c'est un des côtés un peu nouveaux dans cet article, ou ce travail de recherche. C'est-à-dire que nous, ce que nous avons fait dans ces simulations, c'est que nous n'avons regardé que les contraintes terrestres, nous n'avons pas regardé de contraintes lunaires. Et par contre, tout ce que nous ne savons pas, c'est-à-dire la taille de l'impact, à quel est le degré d'équilibrage entre l'impacteur et l'impacté, c'est-à-dire la prototerre. On ne connaît pas la profondeur de cet océan de magma lors de l'impact. On ne connaît pas la pression, la température, même pas la composition globale de la Terre lors de l'impact. Donc tout ce qu'on ne sait pas, on l'a scanné. C'est-à-dire qu'on a vérifié, on a fait des simulations pour toutes les combinaisons possibles de ce qu'on ne sait pas. Donc on a laissé tous les paramètres inconnus libres et on a gardé que les contraintes donc terrestres qui sont très précises. Et in fine, on passe un filtre sur toutes ces simulations, donc on sort 2 millions de Terres, 2 millions de Lunes, et on passe un filtre qui dit « je ne garde que les solutions où la Terre ressemble à la Terre d'aujourd'hui ». Et quand vous faites ça, vous vous rendez compte que pour un impacteur qui est plus gros que Mars, donc plus gros que 15%, il n'y a aucune combinaison qui vous donne une Terre qui ressemble à la Terre actuelle. Voilà le reportage du jour qui conduit à cette nouvelle hypothèse sur la taille de Théia. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Frédéric Moignet, Paolo Sossi? Qui veut commencer, Paolo? L'idée de faire plein de simulations, c'est une très bonne façon pour essayer de contraindre les conditions qu'il y avait dans la Terre précoce. Et en fait, d'attaquer ces problèmes à partir de la Terre et pas de la Lune, c'est aussi très, très intéressant. Et l'autre chose qu'ils font pour mieux contraindre cet comportement, c'est de faire des expériences vraiment à les conditions de très haute pression, très haute température, qui leur permettent de mieux savoir qu'est-ce qui se passe lors de l'impact géant où les conditions sont très extrêmes et très violentes. Très violentes, évidemment, avec des paramètres et avec surtout une absence ou une interrogation sur un tellement grand nombre de paramètres qu'il est très difficile, comme on a pu l'entendre, de mener des simulations sans réduire le champ des paramètres à intégrer. Frédéric Moignet, votre réaction justement à cette nouvelle théorie, à cette théorie d'une TIA un peu plus petite, mais d'un impact finalement plus violent, c'est ce qu'on comprend. Donc ce qui est intéressant, là, si vous voulez, c'est une approche, on va dire, de géologue pour essayer de comprendre les conséquences de la formation de la Lune. Donc ça, c'est l'originalité. Et donc là, James Badreau qui a réalisé cette étude, cette expérience des conditions extrêmes pour étudier, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Donc qui est d'habitude d'appliquer pour comprendre le milieu de la Terre. Et donc l'originalité, c'est d'appliquer ça pour essayer de voir l'effet d'un impact sur la composition de la Terre. Et donc oui, donc, comme on ne connaît pas la composition de la Terre, on la connaît déjà assez mal à l'heure actuelle, alors vous imaginez qu'est-ce qui est la composition de la Terre avant l'impact géant, on a un champ de possible qui est assez impressionnant. Donc l'idée donc, de balayer, si vous voulez, tous les différents paramètres dans le domaine du raisonnable et de regarder quelles sont les solutions qui vont ensuite marcher pour reproduire ce qu'il y a sur la Terre, Voilà, c'est l'originalité, l'intelligence de cette approche. Vous-même, vous avez eu recours d'ailleurs à un tout autre type d'approche précisément pour valider ou pour confirmer, disons, le scénario d'évaporation à haute température des éléments légers. Vous êtes intéressé aux premières expériences, aux premières explosions nucléaires. Ah oui, c'est vrai. Non, mais ça, oui, c'est vrai. Et oui, c'est votre travail. Hein. Donc, pour se mettre dans pour reproduire ces conditions extrêmes, on peut soit essayer de le faire dans le laboratoire, donc c'est très compliqué. Hein. Très compliqué d'arriver à ces niveaux de température et de pression. Pression. Voilà. C'est très difficile. Surtout la pression, en fait. La pression. Et donc, l'idée qu'on a vue, là, c'était l'année dernière, hein, que ça avait été publié l'année dernière, on avait fait ça il y a 2 ans, j'imagine, si je me rappelle bien, était d'utiliser des échantillons qu'on aurait eu sur Terre, qui avaient été faits dans des conditions identiques. Et donc, on s'était intéressé aux échantillons qui avaient été produits lors des premiers tests des bombes nucléaires sur le site de Trinity, donc aux États-Unis. Donc on avait eu la chance de pouvoir récupérer certains échantillons qui ont été produits. Trinity, ça qu'on appelle les trinitites, qui sont des verres, qui sont sur qu'on va fondre le matériel, on va le mettre sous pression et donc on va ensuite fabriquer un verre. Et donc on avait récupéré. Donc maintenant ce site a été nettoyé, donc c'est assez difficile d'accéder aux échantillons. Et donc récupérer certains échantillons, donc qui sont envoyés des résultats d'expérience, un peu comme ce que fait Badreau, mais on va dire des expériences qui sont des conséquences d'expériences qui ont été faites pour d'autres raisons, vous imaginez, mais donc on avait pu donc essayer de reproduire donc les et tester donc en faisant nos mesures de rapport isotopique, de composition chimique, voir ce qui se passe quand on monte dans des pressions et des températures extrêmes. Et c'est ce qui vous avait permis de valider le fait que à ces conditions de température et de pression, effectivement, les éléments les plus volatiles dont on parlait tout à l'heure ne se trouvent plus, ne figurent plus. Ça. Plus on se rapproche du centre de l'explosion et plus ces éléments disparaissent. Voilà. C'est bien cela ? Voilà, c'est ça. On a pu calibrer. Donc on a observé, si vous voulez, la tendance qu'on a observée, qu'on a pu mesurer sur la Lune, mais pour laquelle on n'avait pas, si vous voulez, les tests expérimentaux pour aller beaucoup plus loin en termes de conditions physiques. Et donc, en prenant ces échantillons ces trinitites à différentes distances de l'explosion, on a pu calibrer, si vous voulez, l'évolution de la chimie avec la distance de l'explosion, donc grosso modo avec, si vous voulez, les conditions de pression et de température qui vont diminuer quand on s'éloigne de l'explosion. Et donc, on a pu calibrer en se posant sur ce site et on s'est aperçu qu'en fait, les échantillons lunaires qu'on avait étudiés reproduisaient assez bien les mêmes tendances. Donc, on a pu en déduire qu'on connaît quand même assez bien les températures. On peut estimer de notre façon les températures et pressions sur le site de Trinity. Donc valider le fait que l'absence, encore une fois, de ces métaux volatiles, de ce zinc, de ce cuivre, proviennent très probablement donc, d'une évaporation. Donc, à quel moment cette évaporation s'est produite ? Donc, probablement lors de l'impact ou suite à l'impact. Parce que finalement, si je comprends bien ces différentes théories, celles qui est communément admise et que vient de confirmer d'une certaine manière James Badreau, c'est que quand on pose la question de où est passé Théia, d'où est passé cet impacteur, c'est-à-dire que finalement l'impact a été tellement violent que tous les éléments lourds sont partis dans le noyau de la Terre, les éléments légers, volatiles, eh bien, ont disparu pour l'espèce de nuage de poussière qui s'est créé autour de la Terre et tout le reste est retombé sur la planète Terre. Est-ce que je peux résumer ça à grands traits ou est-ce que c'est un peu vite? Non, c'est à peu près ça. Il y a des éléments qui sont partis dans le gaz qui sont ensuite a été perdus par la force gravitationnelle de la Lune parce que c'est vu que c'est plus petit n'a pas la même attirance pour ces éléments qui restent dans le gaz. Donc ces éléments là, ils ont tendance de se reformer avec la Terre. Mm-hmm. Et donc lors de ces processus là, on peut expliquer pourquoi la Lune a perdu ses volatiles. Ce qui explique aussi certainement l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'eau, qui est plus volatile encore que le zinc. Mais alors, je vais vous soumettre une étude qui est tout de même embarrassante. C'est celle du satellite indien Chandrayaan 1, qui laisse penser qu'il y aurait vraisemblablement et qu'il pourrait y avoir, alors c'est évidemment à mettre avec des guillemets, des plaques ou des couches de glace sous la surface de la Lune. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça, Frédéric Moynier ? Parce que là, ça mettrait à mal vraiment toute la théorie de l'évaporation. Ou une partie, en tout cas, non ? Donc, il faut voir l'origine de l'eau. C'est-à-dire que nous, on parle donc de la Lune en globale, donc qui est très appauvri en volatiles et en eau. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, on peut débattre là-dessus, mais je pense qu'il y a peu de débat. Le fait qu'il y ait quand même de l'eau sur la Lune et qu'il y en a de l'eau au pôle, on le sait avec cette mission indienne. Il y avait une mission NASA qui s'appelait L-Cross, qui est aussi datée des années 90 ou 2000, dans lequel ils avaient fait une explosion au niveau du pôle lunaire et regardaient ce qui était éjecté de l'explosion et ils avaient vu des spectres d'eau. Donc on sait qu'il y a de l'eau en profondeur. Est-ce que l'eau a été ramenée après? Parce qu'il y a quand même, si vous regardez la Lune, elle est couverte de cratères. Donc il y a eu depuis 4,5 milliards d'années des impacts à la surface de la Lune. Étant donné que la Lune n'est pas... Une très grosse différence avec la Terre, c'est que la Lune n'a pas de ce qu'on appelle tectonique des plaques. C'est-à-dire que la Lune, une fois que quelque chose tombe à la surface de la Lune, ben, ça va y rester. Puisqu'il n'y a pas de mouvement à la surface, il n'y a pas d'érosion, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'eau, etc. Enfin, il n'y a pas d'eau. C'est la question. et donc... Il n'y a pas d'océan. Il n'y a pas d'océan, etc. Ça, on est sûr. Il n'y a pas d'atmosphère. Mmh. Et donc, on n'a plus ramener depuis 4,5 milliards d'années, parce que de l'eau, il y en a dans les météorites, il y en a surtout dans les comètes. Mmh. Donc voilà, la question, c'est l'origine de l'eau. Le débat qu'il peut y avoir, c'est est-ce qu'il y aurait un peu d'eau en profondeur. Alors, ça, il y en a un petit peu, mais un peu plus que ce qu'on peut croire. Mais... L'autre problème avec la Lune, c'est que, en étant plus petit, ça a perdu sa chaleur beaucoup plus vite. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'activité là. Donc, par contre, le manteau de la Terre, on a de la convection dans le manteau qui homogénise la composition du manteau. Tandis que la Lune, il reste encore des couches de différentes compositions qui sont restées là depuis sa formation. Donc, on peut imaginer que il y a une couche avec plus de l'eau que des autres couches. Et donc, les roches qu'on échantillonne de la Lune ne sont pas forcément représentatives de la composition entière de la Lune. Donc, c'est aussi ce problème. Différence. On arrive dans la dernière partie de cette émission. Il y a un autre scénario qui est apparu assez récemment. On l'évoquait tout à l'heure. J'aimerais votre point de vue là-dessus, qui serait intéressant parce que il renseigne non seulement la formation de la Lune, mais il renseignerait aussi de facto la formation de la Terre. Il expliquerait beaucoup de choses, en tout cas sur l'homogénéité des deux objets. Et puis, il pourrait également renseigner d'une certaine manière la formation de toute forme de planète tellurique ou d'autres types de planètes telluriques. C'est le scénario qu'on appelle Synestia. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà en quoi il consiste, qui veut Paolos aussi pour commencer? Donc une Synestia, c'est une nouvelle théorie. Ça vient de le mot c'est Synestia, ça vient de syn qui veut dire ensemble, et estia, c'est la déesse de la structure, de l'architecture en grec. Mmh. Et lors de ces structures se forment seulement après un impact très très large, très très violente, très fort. Mais là on parlerait presque, bon, je vais vous laisser dire, mais on parlerait presque d'un impact avec un objet beaucoup plus gros, oui, que Theia tel qu'on l'a envisagé depuis le début. Mais c'est autre chose. C'est ça, c'est ça. En fait, pour modéliser cette Synestia, il faut avoir un impacteur qui est à peu près la moitié de la masse de la Terre. Au moins. Au moins. C'est différent, complètement différent que ça a été pensé avant. Mm-hmm. Et la Synestia, l'attraction de cette structure, c'est que on a une grosse quantité de vapeur qui permettent de homogénéiser la totalité du système Terre-Lune. Et donc ça peut expliquer le problème avec des éléments réfractaires qui normalement ne sont pas homogénéisés. Il n'y a pas assez d'énergie pour homogénéiser certains éléments dans les vieux modèles. Donc ça, c'est l'attraction de l'Ouvame Badal. Synestia, en quelques mots, c'est qu'effectivement c'est un impact très, très violent avec un objet plus gros qui en fait détruit quasiment les deux corps, et on se retrouve au lieu d'avoir finalement un corps gros et un corps petit qui finit par se former par accrétion autour du gros corps, on se retrouve avec une sorte de donut qui petit à petit, ça change beaucoup de choses tout de même, Frédéric Moynier. Oui, donc au lieu d'avoir, c'est encore après les impacts, on va dire, classiques, une Terre, et puis il y a du matériel qui tourne autour, on parle de disque un peu comme un système solaire, on parle d'un disque lunaire, c'est-à-dire qu'on a du matériel, de la vapeur et de la poussière qui tourne autour de la Terre, et ensuite qui va s'accréter, c'est-à-dire qui va s'agglomérer pour fabriquer la Lune. Ce nouveau scénario et ce nouveau modèle, imagine que maintenant on a un continuum, c'est-à-dire qu'on a un gros impact, on va vaporiser à la fois quasiment toute la Terre, ou toute la Terre, tout l'impacteur, donc tout Théia. Mm-hmm. Et donc on obtient ce continuum de vapeur et de poussière qui va évidemment, donc, quand on a un nuage, on homogénise beaucoup mieux que quand on a de la poussière ou du liquide qui n'est pas vraiment en contact. Mm-hmm. Et donc ça explique la beauté, on va dire, de ces modèles, c'est qu'ils... Leurs résultats sont de pouvoir expliquer les compositions maintenant chimiques, en plus de pouvoir expliquer quand même la dynamique du système Terre-Lune, la composition chimique, c'est-à-dire encore une fois cette homogénéité pour les éléments réfractaires, pour l'oxygène, qui n'est pas vraiment réfractaire, mais qui est très similaire, entre la Lune et la Terre. En revanche, après avoir écouté le reportage de James Badreau, on parle d'autre chose. Voilà, c'est ça. Il y a un problème de taille très nettement. Mais alors pour continuer, pour développer ce scénario Synestia, pour qu'on comprenne bien, il y a cet impact. On arrive à cette espèce de nuage de donuts. Hein, on a mis des images ou des articles sur le fil Twitter si vous voulez vous en rendre compte. Mais qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a ce donut? Pourquoi est-ce que ça accrète finalement deux objets et pourquoi pas un seul? Quelle est la suite des événements une fois que cet événement-là s'est produit? Une fois qu'on a obtenu ce système-là, on va refroidir le système. Et donc, quand on va refroidir le système, on va recondenser de la poussière, on va refaire des solides, et donc au cœur de cette structure, on va avoir quand même, on a encore le gros du matériel qui est solide, qui va commencer par gravité à réaccréter le matériel pour former ce qu'on va obtenir à la Terre. Et puis ce qui va être en périphérie va former la Lune. C'est-à-dire qu'il faut préciser que dans ce modèle, quand on parle de donut, c'est pas un vrai donut avec un trou. Il n'y a pas de trou. Voilà, c'est-à-dire qu'il reste quand même un noyau avec les éléments les plus lourds au centre. Voilà. Il ne faut pas imaginer un donut que Homer Simpson a mangé. Si vous regardez, donc vous l'avez mis sur le site de France Culture, on a au centre de cette structure encore du matériel solide. Donc qui va être par gravité, une fois qu'on va refroidir et recondenser du matériel. Ce matériel, c'est le fer. C'est une partie, en grande partie, le noyau de la Terre et de l'impacteur, j'imagine, qui est très dense. Et donc, il va réaccréter principalement pour former, heureusement pour nous, une Terre qui est la masse principale et la Lune qui l'aura. Après, il y a une limite où dedans tu peux pas former, tu peux pas accréter de la matériel parce que la force gravitationnelle de la Terre est trop forte pour le matériel de rester ensemble. Donc, il y a cette limite qui est à peu près 3 rayons de la Terre en distance, et c'est à peu près... La distance Terre-Lune. C'est à peu près 18 000 km. Et à partir de cette partie-là, tu accrètes pas sous la Terre, mais tu peux commencer à accréter des différents corps. Donc, sur ce moment, la distance de Terre-Lune, c'est à 3084 km. Mmh. 1000 km. Mmh, mmh. Donc, on peut imaginer que la Lune a été formée beaucoup plus proche de la Terre, mais depuis, ça a été lentement décalé. Mmh, mmh. Oui, parce que par ailleurs, ça, c'est quelque chose qu'on sait tout à fait, c'est que la Lune s'éloigne. Elle s'éloigne de 20 cm par an. Bon, enfin, ça s'éloigne. Elle s'éloigne, donc elle était beaucoup plus proche, voilà. Elle était beaucoup plus près il y a 4,5 milliards d'années. Mais alors, quels sont les problèmes? Parce qu'on a vu que sur Théia, il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas encore résolus. Quels sont les problèmes que pose ce scénario de Synestia, Frédéric Moynier? Pourquoi est-ce que finalement aujourd'hui il y a encore des doutes sur ce qui ne fait pas encore l'unanimité? Déjà, c'est tout nouveau. Donc, au niveau des problèmes dynamiques, je ne serais pas qualifié pour répondre là-dessus. Ce qui reste encore à expliquer, ça peut expliquer cette homogénéité des éléments réfractaires. On en est toujours à expliquer le devenir des éléments plus volatiles. Ça ne peut pas expliquer pourquoi est-ce qu'on a une différence, de rapport isotopique du zinc ou du gallium ou de ces éléments volatiles entre la Terre et la Lune. Donc ça ne peut pas l'expliquer. Donc ça, c'est encore un des paramètres, des données, si vous voulez, qui sont des données concrètes à rentrer dans un modèle. Ça, c'est la première chose. Le deuxième problème que je vois... et qui est un peu le débat qu'il y a entre les différents groupes qui travaillent sur ces impacts, c'est la taille de l'impacteur. On a un très gros impacteur, donc on a dit qu'il fait 50% de la taille de la Terre. Donc ça commence à être quelque chose de très gros. D'après les études terrestres, donc là qui sont pas du tout inclus dans ce genre de modèle dynamique, que par exemple les études de Badrome et d'autres, on peut pas expliquer la composition de la Terre. Donc c'est un peu un petit problème là-dessus. Ça c'est aussi des choses, encore une fois, ça c'est des modèles, il y a beaucoup de paramètres, qui sont très compliqués, avec énormément de paramètres, on va dire, libres, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier dedans, probablement, pour essayer de faire rentrer tout ce qu'on, toutes les nouvelles données qu'on peut acquérir à travers avec l'amélioration des mesures, puis des futurs peut-être retours d'échantillons lunaires ou etc. Un mot pour conclure sur ce scénario. Vous l'avez dit d'ailleurs, Frédéric Monnier tout à l'heure. C'est que il pourrait être à l'origine finalement de d'autres types de formations de planètes théoriques. Ça pourrait être un nouveau modèle de formation de planètes qui n'avait pas été envisagé jusqu'à présent. C'est tout à fait ça. Je pense que l'intention du début, c'était pour expliquer le système Terre-Lune, mais pourquoi pas, ça ne marche pas généralement dans le système où il y a beaucoup de grosses planétésimaux qui se croisent. C'est ça un peu la beauté de cette théorie que... C'est applicable à beaucoup de choses. C'est pas juste pour la Terre-Lune, parce que ce système Terre-Lune, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de contraintes. Je sais pas si ça sera applicable, parce que Mars a des tout petits satellites, donc je sais pas si ça serait une conséquence, mais ça pourrait tester en comparant la composition de Mars. Quand on connaîtra la composition de ces satellites, puisqu'il y a des missions japonaises qui vont ramener des échantillons en 2020, donc c'est demain hein, pour ce qui est mission spatiale, et donc on sera capable de faire la même chose que ce qu'on fait entre la Terre et la Lune, mais évidemment on connaît pas si bien accès à la Terre, donc Mars on connaît pas non plus très bien, mais comparer Mars à ses satellites. Une dernière question pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, on sait que la Lune bénéficie d'un regain d'intérêt pour des missions d'exploration, on sait que il est question éventuellement de renvoyer des êtres humains sur la Lune, les questions d'y établir des stations, les questions de retourner. Le Japon veut refaire la Chine et aussi veut renvoyer des missions vers la Lune. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des missions de ces futures missions-là qui pourraient permettre de trancher ça, qui pourraient permettre aujourd'hui d'apporter de nouveaux éléments pour discriminer un scénario sur l'autre, ou en tout cas pour préciser peut-être le scénario ou l'origine de Theia, Frédéric Moynier? Encore une fois, ce qu'on connaît le moins bien, c'est la composition de la Lune. On a beau avoir des échantillons ramenés par Apollo, par les missions russes. On a surtout des échantillons de surface. On a quelques échantillons de l'intérieur. C'est l'étude qu'on avait faite avec Paolo sur ces roches qui représentent l'intérieur. Mais au niveau en tout cas américain, un des axes qui fait partie du plan décennal de la NASA est d'échantillonner le manteau lunaire. Et donc pour ça, il faudrait aller échantillonner des endroits qui n'ont jamais été échantillonnés, qui auraient été, parce que le manteau, c'est la partie qui est sous-jacente en dessous de la croûte, il faut avoir eu donc des impacts suffisamment importants à la surface de la Lune pour avoir excavé, pour avoir retiré la croûte et pour mettre le manteau à la surface. Et donc l'exemple qu'il y a, c'est un énorme bassin au sud de la Lune qui s'appelle le bassin pôle sud Aitken, South Pole Aitken. Et donc là, une des idées, c'est d'aller, c'est un des plans, c'est d'aller ramener des échantillons pour essayer de mieux contraindre la composition de la Lune, pour pouvoir faire comparer aux expériences un peu ce qu'a fait Badreau sur la Terre, mais aussi sur la Lune. Donc on aurait les deux pôles, donc la Terre et la Lune, vraiment leur composition globale. Donc ça, c'est une première chose. L'autre grosse partie des missions lunaires, c'est d'essayer de, comme vous avez parlé de l'eau, c'est de beaucoup mieux estimer les quantités d'eau, parce que ça aussi, c'est quand même très important dans ces modèles-là. Bien sûr. Et donc, essayer d'aller au pôle sud maintenant, et ramener donc des échantillons d'eau, et pour essayer de contraindre l'origine de cette eau. Est-ce que c'est une eau cométaire, ou est-ce que c'est une eau qui a la même origine que celle de la Terre? Et donc ça, c'est fondamental pour comprendre la formation de la Lune. Et puis si vous voulez en savoir plus, je vous propose de retrouver l'émission que nous avions consacrée à cette question: faut-il retourner sur la Lune? On vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Merci beaucoup à tous les deux, merci Frédéric Moynier, merci Paolo Sossi. Je vous rappelle que si vous ne savez pas quoi faire de votre samedi après-midi, et bien maintenant vous savez quoi faire, et bien vous vous allez venir nous voir tous ensemble, autant que nous êtes Adèle Von Rett, Emmanuel Laurentin, Maëlys Besry, Olivier Gesbert et moi-même pour le dernier forum L'année vue par les savoirs. C'est dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne autour des questions des révolutions de l'intelligence. C'est samedi sous la journée de 10h à 18h. Pour ce qui nous concerne, eh bien, la méthode scientifique, nous parlerons de l'intelligence artificielle. Va-t-elle bientôt gagner un prix Nobel ou au contraire est-elle déterminée à être complètement bête? On vous répond avec nos invités dans le grand amphi de la Sorbonne. C'est gratuit, mais il faut vous inscrire sur le site maisondelaradio.fr. On vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Un mot pour vous dire que, eh bien, dans un instant, c'est le deuxième épisode de la marche des banlieues dans la série documentaire. Tout à l'heure, du grain à moudre, les médecines alternatives font-elles plus de mal que de bien? Et puis demain, nous parlerons du futur, de ce futur proche où vous pourrez plier votre téléphone pour le mettre dans votre poche. Ce sera les écrans pliables demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.